Je travaille à l'ODLC, donc c'est l'Office de lutte contre le cancer. C'est la structure qui a pour mission le dépistage organisé du cancer du sein, du côlon et du col de l'utérus en Isère. Donc je suis moi-même médiatrice en santé et je travaille sur un projet dans deux quartiers de Grenoble pour accompagner les femmes vers le dépistage du cancer du sein. J'ai fait beaucoup de travail en collaboration avec les médiateurs pères en santé de la ville de Grenoble, donc qui ont un atelier cet après-midi auquel je vais participer. Donc voilà, j'ai cette démarche ici d'aller vers les habitants pour parler de la question du dépistage du cancer du sein. Je suis quotidiennement avec les médiateurs pères qui travaillent sur ce sujet, donc je le connais plutôt bien. Les témoignages qu'on a vus tout à l'heure d'habitants, c'est des choses auxquelles je suis aussi confrontée, donc c'est pour ça que je viens cet après-midi et demain matin. C'est l'occasion d'échanger avec tous les acteurs du droit, parce qu'on ne parle pas seulement du droit en santé cet après-midi, c'est aussi l'occasion de discuter avec mes collègues, et j'attends beaucoup des ateliers pour voir les différentes opinions des personnes sur cette question du travail père en santé ou de l'aller vers des populations qui peuvent être en situation de précarité. La ville de Grenoble, avec l'aide de l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, ont recruté des travailleurs pères en santé, donc, c'est-à-dire que ce sont des personnes issues des quartiers qui travaillent sur l'accès aux droits en santé. Donc ils n'ont pas forcément une formation particulière dans le domaine de la santé, ils ont été formés par l'ARS. Ils pourront mieux vous en parler que moi. Nous, on a vraiment le volet, l'aspect santé. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment un problème multidimensionnel. Ça va toucher tous les autres droits en santé, le logement, le bien-être.